Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire de la pièce de théâtre Heldenplatz, ou Place des héros, du dramaturge autrichien Thomas Bernhard. En novembre 88, les Autrichiens commémorent le 50e anniversaire de l'Anschluss, qui se traduit en allemand par « rattachement »,« raccordement ». C'est le terme qui a été choisi pour désigner l'annexion d'Autriche par le Troisième Reich. De ce mois de mars 1938 jusqu'à la capitulation allemande 5 ans plus tard, l'Autriche est absente des cartes. L'est-elle pour autant de l'histoire? C'est notamment à cette question que Thomas Bernhard tente de répondre avec sa pièce Heldenplatz, qui en 1988 va embraser le pays et devenir la plus grande affaire artistique de l'histoire contemporaine de l'Autriche. En français, cette pièce porte le titre donc de Place des héros. Vous serez sans doute surpris par la violence, parfois, de certaines répliques écrites par Thomas Bernhard, mais vous le serez aussi en écoutant les archives des actualités de l'époque. Notre invité aujourd'hui, Marcel Bozonnet, ancien administrateur général de la Comédie française, qui a fait entrer ce texte dans le répertoire de notre théâtre national en 2004. Et puis, et pour la première fois depuis le début de notre émission, une partie du texte de Thomas Bernhard sera lue en direct par Thierry Ancis de la Comédie française, présent dans ce studio de France Inter. Bienvenue, merci messieurs, bienvenue dans Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vienne, 4 novembre 1988. Jamais le Burgtheater, l'équivalent autrichien de la Comédie française, n'avait connu autant de ferveur et de colère un soir de première. Depuis des heures, ils sont des dizaines à manifester leur soutien ou leur haine à l'encontre de Thomas Bernhard et de sa dernière pièce, Heldenplatz. Sur les images d'archives, on voit des gens applaudir, s'engueuler, et même un homme déverser de son coffre de voiture un tas de fumier. Il se trouve qu'en Autriche, l'écho du théâtre est fort. Les dramaturges sont des idoles aussi adulées que maudits, et les mots portés par les comédiens font trembler institutions et puissants. Alors évidemment, quand la presse annonce à la fin de l'été 88 que Thomas Bernhard, le dramaturge le plus célèbre et le plus controversé du pays, travaille sur une pièce qui réactive le souvenir de l'Anschluss et le tabou des années sous le joug nazi, tout le monde se demande jusqu'où il ira dans la critique. Quel impact auront ces mots ? La réponse arrive très vite. Le scandale éclate avant même la première. Le 7 octobre 1988, le Kronen Zeitung, l'un des journaux les plus populaires d'Autriche, diffuse des extraits de la pièce, dont cette phrase « Autriche, 6,5 millions de débiles ». Qui est à l'origine de ces fuites? Personne ne le sait aujourd'hui encore. Quoi qu'il en soit, les quelques répliques sorties de leur contexte et qu'on découvre dans l'article font la une des quotidiens et des journaux de télé. Alors que Heldenplatz n'a encore jamais été joué, jamais été vu, tout le monde en parle. Éditorialiste, intellectuel, témoin de la guerre ou enfant de l'après, chacun donne son avis. On en parle même au Parlement. Oui, certains députés réclament la censure pure et simple de la pièce, d'autres appellent à la liberté d'expression. Durant des semaines de tumulte médiatique et politique, pendant lesquelles il est pourtant critiqué, défié et insulté, Thomas Bernhard reste silencieux. Qu'aurait-il pu dire de toute façon? Comment défendre une œuvre qui n'a pas encore été dévoilée? Depuis la sortie de son roman « Gel » en 1963, Bernhard domine les lettres autrichiennes. Poèmes, nouvelles, romans, pièces de théâtre, il est un auteur à succès, acerbe, provocateur. Dans ses textes, ni flatterie, ni flagornerie, oh non. Bernhard fustige tous les rois, petits ou grands, ainsi que leurs partisans et leurs chroniqueurs. Le comédien et metteur en scène Nicolas Bouchaud disait de lui récemment dans un entretien au journal Le Monde que Bernard était un poseur de bombes, un terroriste de l'art. Ce n'est pas faux. Pour cet homme né en 1931, quelques années avant l'Anschluss et l'extermination des Juifs et des Tziganes d'Europe, l'art ne pouvait être qu'une arme pour dénoncer, provoquer, jeter la lumière sur les ombres du monde. C'est ce qu'a toujours aimé dans cette œuvre le metteur en scène allemand Klaus Peyvan. Bernhard exagère souvent, mais c'est le théâtre qui le lui permet. Sur scène, les lumières sont plus intenses, les couleurs plus vives, la voix plus forte. Il faut parfois forcer le trait pour mieux voir, mieux entendre, réagir, projeter, comme disent les comédiens. Peyman connaît parfaitement la vie et les colères de son ami Bernhard. Il a mis en scène presque toutes ses pièces, c'est dire. Et c'est lui qui, en 88, alors qu'il est à la tête du Burgtheater de Vienne, qui commande à Bernhard une pièce sur l'Anschluss. Après un premier refus, le dramaturge accepte le défi. La pièce s'appellera Heldenplatz, comme cette célèbre place de Vienne. La trame est la suivante. À Vienne, du haut d'un immeuble de l'Heldenplatz, un vieil homme s'est jeté dans le vide. Il s'appelait Josef Schuster. Il était professeur. Juif, il avait quitté l'Autriche après l'arrivée des nazis en 1938. Il était revenu quelques années après la chute du Troisième Reich, après l'extermination des Juifs de Vienne, d'Autriche, d'Europe. Longtemps, il a réussi à vivre aux côtés des fantômes de sa ville. Mais en 88, il décide de les rejoindre. Il se suicide. Durant trois actes, ses proches se souviennent de lui et tentent de comprendre son acte. C'est cette histoire que les spectateurs découvrent le 4 novembre au Burgtheater. Tout le monde est en place, les lumières s'éteignent. Heldenplatz se dévoile. Quand le rideau se lève, les spectateurs découvrent l'intérieur d'un appartement. Une pièce presque en ruine, un lieu sans vie. Les armoires sont vides, il y a quelques chaises, dépareillées, esselées, une épure. Hertha, la bonne du professeur défunt, est debout devant une grande fenêtre qui donne sur l'Edenplatz. Madame Zittel, la gouvernante, entre. Elle tient un costume du professeur Schuster sur un cintre. Elle traverse la grande pièce, puis suspend l'habit. Dans ses premières répliques, elle se souvient de cette phrase du défunt. « Maintenant, tout est encore pire qu'il y a 50 ans. » Pour le professeur, l'année 1938 avait été l'année du basculement, l'année de l'exode. Parce que avant le début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, le péril était déjà là pour les Juifs d'Europe. Les années de persécution avaient précédé celles de l'extermination. Si vous regardez des images de Vienne en mars 1938, vous verrez en premier plan des photos et des films de l'entrée triomphante des soldats nazis dans le pays. On y voit des foules immenses, saluant avec ivresse ces soldats allemands et leur chef, Hitler, de retour. Selon lui, sur ses terres. Mais si vous fouillez, vous tomberez sur d'autres images. Le hors-champ de ce triomphe qui témoigne des premières persécutions et humiliations à l'encontre des Juifs. En quelques heures, en ce mois de mars 38, les Juifs d'Autriche sont devenus des cibles, sans protection. Sur certaines de ces photos, on voit des hommes et des femmes agenouillés devant les trottoirs, entourés par la foule. Sur d'autres, un commerçant juif est forcé de peindre des graffitis antisémites sur les stores baissés de la vitrine de son magasin. Du personnage central de la pièce de Thomas Bernhard, Josef Schuster, on sait très peu de choses, à part qu'il était professeur. En 1938, enseignait-il à l'université? Si c'est le cas, il a dû en être exclu comme tous les juifs du pays. Est-ce pour cela qu'il est parti? Sans doute. Dans Heldenplatz, Thomas Bernhardt n'utilise pas d'images de l'Anschluss et des jours qui ont suivi. Il le sait, chaque spectateur, chaque Autrichien les a en tête. Témoins ou non des faits, lui comme eux en sont les légataires. Pas d'image donc, mais le son d'une clameur qui hante l'appartement et la mémoire de la femme du défunt. Comme nous l'avons dit, l'appartement du professeur Schuster donne sur Heldenplatz. Et ce n'est pas anodin dans la mémoire autrichienne. Non, c'est une place centrale de Vienne, c'est une place historique, car c'est ici, sur l'une des terrasses du palais impérial, qu'Adolf Hitler avait prononcé son discours du 15 mars 38, officialisant l'Anschluss. Ce lieu symbolise la disparition de l'Autriche, sa fusion dans le Grand Reich. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs. En tant que Führer et chancelier de la nation allemande et du Reich. J'annonce l'intégration de ma patrie dans le Reich allemand. Ces mots, chaque Autrichien les connaît. Ce jour-là, ils étaient plus de 250 000 à acclamer leur nouveau chef. L'Anschluss a-t-elle été une annexion ou une libération ? En 1943, au cours de la conférence de Moscou, les Alliés reconnaissent l'Autriche comme la première nation indépendante victime de l'agression hitlérienne. Dans le même texte, Anglais, Américains et Soviétiques parlent également de la co-responsabilité du pays dans les crimes nazis. C'est à partir de ce texte de 1943 que le mythe de l'Autriche comme première victime du nazisme se forge. Douze ans plus tard, en 1955, le pays retrouve sa souveraineté totale et sa place au sein du Conseil des Nations. L'époque est à la reconstruction. Il faut refaire les ponts, les maisons, les usines, mais aussi relever les hommes et les nations. À l'État autrichien, les pays vainqueurs offrent souveraineté, crédit et oubli. Pour leurs citoyens, survivants et bourreaux, ce sera amnistie et amnésie. Depuis la fin de la guerre, l'herbe a poussé sur les ruines des camps de concentration et d'extermination. La terre et l'eau ont recouvert les charniers. Pendant des décennies, le mythe fonctionne. En Autriche, pendant des décennies, on estime en effet qu'il n'y a eu que des victimes, aucun coupable. Mais en mars 1986, tout s'écroule. Commençons donc par cette affaire qui fait grand bruit en Autriche. Kurt Waldheim, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, a-t-il été nazi ? Le journal américain New York Times l'affirme, le principal intéressé dément et envisage de porter plainte. Le New York Times se réfère à des documents officiels obtenus à Vienne et à un certain nombre de dossiers rassemblés par le Congrès juif mondial. Il publie par exemple une photo de M. Waldheim en uniforme de l'armée allemande prise en 1943 en Yougoslavie, où on le voit en compagnie d'officiers SS. L'unité à laquelle il appartenait alors a commis un certain nombre d'atrocités, mais Kurt Waldheim affirme l'avoir ignoré. En Autriche, ces révélations, entre guillemets, du New York Times font d'autant plus de bruit que Kurt Waldheim est candidat à la présidence de la République et qu'au dernier sondage, il a 5 points d'avance sur son adversaire. Kurt Waldheim, l'ancien secrétaire général de l'ONU et possible futur président fédéral de l'Autriche, a-t-il participé à des crimes de guerre sous l'uniforme nazi ? Les journalistes de toutes les rédactions de la planète se lancent alors dans la recherche de preuves et de témoignages pour reconstituer le parcours du candidat pendant la guerre. Le 24 mars 1988, ils sont tous là, français, anglais, américains, autrichiens, quand le secrétaire général du Congrès juif mondial qui a lancé l'affaire, Israël Singer, déclare. Je voudrais éclairer les preuves que Waldheim rejette à l'aide de documents qu'il a lui-même signés. Kurt Waldheim nous a raconté que pendant les 3 dernières années de la guerre, il a étudié à Vienne, il a fait la connaissance de sa femme et l'a épousée. En réalité, il a passé la plupart de ce temps en mission militaire dans les Balkans. Pendant ces années, il participa à la fameuse opération Kozara en Yougoslavie, où des milliers de personnes furent massacrées. Il fut décoré pour son rôle, comme vous l'avez déjà entendu. Il participa aussi à une réunion liée à l'opération Schwarz en 1943, une attaque sanglante contre des partisans et des civils dans la région à l'est et au nord de Podgorica. Ces deux opérations donnèrent lieu à des exactions de la part des nazis. Après l'opération Schwartz, Waldheim devint un important officier du renseignement. En dernier lieu, il dirigea une cellule de renseignement chargée des missions spéciales et de l'interrogatoire des prisonniers, entre autres. À ce titre, il était engagé dans un processus qui incluait la torture et l'exécution de prisonniers, dont beaucoup étaient civils. Sa signature apparaît sur de nombreux documents au plus haut échelon de commandement de son important corps d'armée, ce qui prouve qu'il était impliqué dans ces opérations et en était informé. Alors, a-t-il participé à ces massacres ? Savait-il ? Malgré les photos, les rapports, les témoignages publiés dans la presse, Kurt Waldheim reste serein. Certes, il se défend à plusieurs reprises lors d'entretiens, mais il poursuit sa campagne presque comme si de rien n'était. Et à juste titre peut-être, car si on observe quelques manifestations aux abords des meetings du candidat accusé, l'effroi suscité par ces révélations est avant tout international. Car la plupart des Autrichiens, eux, voient ces articles comme une attaque de l'étranger contre l'honneur et l'histoire de leur pays. Comme Waldheim le dit lui-même, les Autrichiens sont nombreux à penser qu'il a fait son devoir, comme ses 100 000 concitoyens enrôlés dans la Wehrmacht. Oui, mais combien ont collaboré et ont accompagné par leurs aboiements les rafles, les persécutions ? Le 8 juin 1986, Kurt Waldheim est élu président au second tour avec près de 54% des voix. Deux ans plus tard, une commission internationale d'historiens exonère Kurt Waldheim de toute participation directe au crime de guerre, mais conclut qu'il était informé. Waldheim a donc menti, comme l'Autriche se ment elle-même. Durant ces années, à la tête du pays, il est mis au banc des nations. Aucun pays ne l'invite, à part le Vatican, jamais très regardant sur le comportement des uns et des autres pendant la guerre. Quelques pays arabes, pas plus regardants, l'invitent également. Mais globalement, persona non grata, le président autrichien reste entre les murs du palais de la Hofburg, siège de la présidence autrichienne. C'est dans ce contexte que Thomas Bernhard entreprend l'écriture d'Heldenplatz. À plusieurs reprises, à la marge, l'élection de 86 est évoquée dans les pièces. Écoutez ces mots, portés par Robert Schuster, le frère du professeur défunt à ses nièces, dans l'acte 2 de la pièce. En fait, je comprends très bien votre père. Ce qui me sidère, c'est que le peuple autrichien tout entier ne se soit pas suicidé depuis longtemps. Mais les Autrichiens dans leur ensemble, en tant que masse, sont aujourd'hui un peuple de brutes et d'imbéciles. Dans cette ville, quelqu'un qui voit devrait jour après jour, 24 heures sur 24, faire un carnage. La seule chose qui soit restée à ce pauvre peuple immature, c'est le théâtre. L'Autriche elle-même n'est rien d'autre qu'une scène où tout va à volo, à la putréfaction, à l'agonie, une figuration enfoncée dans la haine d'elle-même, formée par 6,5 millions d'abandonnés, 6,5 millions de débiles et de fous furieux qui, sans interruption, réclament à grands cris, à pleine gorge, un metteur en scène. Le metteur en scène viendra et les enfoncera définitivement dans l'abîme. 6,5 millions de figurants que quelques interprètes criminels installés à la Hofburg et place du jeu de paume tous les jours heurtent de front et finalement ne font que pousser dans l'abîme. place des héros. Anna et Olga rentrent à la maison après l'enterrement de leur père. Robert Schuster, leur oncle, leur parle. Les Viennois et les Autrichiens sont en fait bien pires que votre père ne pouvait l'imaginer. Écoutez donc ce que racontent les gens, regardez-les. Ils ne vous abordent qu'avec haine et mépris, que ce soit dans la rue ou dans un café. Un juif, justement, ne peut pas rester sans arrêt, assis chez lui entre ses quatre murs. Un juif aussi doit sortir dans la rue. Et s'il est découvert comme juif, il est puni par la haine et le mépris. En Autriche, être juif signifie toujours être condamné à mort. Les gens peuvent écrire et raconter ce qu'ils veulent. La haine du juif est la nature la plus dure, absolument authentique de l'Autrichien. Avant 38, les Viennois s'étaient habitués aux juifs. Mais maintenant, après la guerre, ils ne s'habituent plus aux juifs. Ils ne s'habitueront plus jamais. Moi-même, je savais aussi qu'en allant à Vienne, j'allais en enfer. Avec Heldenplatz, Thomas Bernhardt ne s'attaque pas seulement au silence de l'Autriche sur les années de guerre, il s'en prend aussi à leurs héritiers. Même après la capitulation allemande, la majorité des nazis autrichiens n'ont jamais été inquiétés. Mieux, ils ont été absous de toute responsabilité, de tout crime. En 1948, grâce à une loi d'amnistie, près de 500 000 anciens membres du parti nazi redeviennent des citoyens comme les autres. Ils peuvent se présenter aux élections, ils peuvent voter, et c'est ce qu'ils font. En 1949, certains d'entre eux entrent au Parlement, comme le confirme Jean Rambaud sur les ondes de la RTF. Les résultats des élections autrichiennes sont maintenant connus intégralement. Pour le Conseil national, assemblée parlementaire unique, il donne la répartition suivante des mandats. Populiste 77, socialiste 67, Union des indépendants 16, communiste et socialiste de gauche 5. On peut caractériser ces élections en disant avant tout qu'elles constituent un succès pour le parti des indépendants d'inspiration néo-nazi. Succès bien entendu relatif, aussi bien n'était-il pas question de voir ce parti se hisser d'emblée au niveau des deux grands partis gouvernementaux populistes et socialistes, mais ce parti des indépendants obtient avec des moyens matériels de propagande médiocre 11,67% des suffrages contre 44% aux populistes, 38,7% aux socialistes et 5% au bloc de gauche qui en avait 4% aux élections précédentes. Même si le Troisième Reich n'est plus, certains entretiennent son souvenir et en ont la nostalgie. La Fédération des indépendants, par exemple, d'inspiration nazie, subsiste jusqu'en 1956. Ce parti est absorbé ensuite par le Parti de la Liberté d'Autriche, le FPO, dont le premier dirigeant, Anton Reinthaler, fut pendant la guerre un général SS. Thomas Bernhardt pensait son pays malade de la haine de l'autre, malade de l'antisémitisme. Dans le second acte d'Heldenplatz, c'est par la voix d'Anna, l'une des deux filles du défunt, qu'il porte ses coups. Je n'ai plus d'existence ici. Je me réveille et je suis confrontée à la peur. Les choses sont aujourd'hui réellement telles qu'elles étaient en 38. Il y a aujourd'hui plus de nazis à Vienne qu'en 38. Tu verras. Tout finira mal. Il n'est même pas besoin d'une intelligence particulièrement vive. Maintenant, ils ressortent de tous les trous qui étaient restés bouchés pendant plus de 40 ans. Il te suffit de parler avec n'importe qui. Il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'il s'avère que c'est un nazi. Que tu ailles chez le boulanger ou à la teinturerie, à la pharmacie ou au marché, à la Bibliothèque nationale, je crois n'être qu'au milieu de nazis. Ils n'attendent tous que le signal pour pouvoir ouvertement passer à l'action contre nous. Ils ressortent de tous les trous qui étaient restés bouchés pendant plus de 40 ans. En fouillant dans les archives de l'année 88, on trouve des articles et des reportages qui font écho à ces mots écrits par Thomas Bernhardt. Cette année-là, Pierre Tivolet, un journaliste de TF1, réalise un reportage sur l'amnésie nazie de l'Autriche. Sur une scène de ce documentaire tourné à Vienne, le journaliste français fait réagir des personnes à des panneaux historiques installés par la municipalité, des panneaux qui évoquent la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. Tendez l'oreille, rien n'est fiction. Mais il était tout simplement impossible de résister aux nazis, impensable. C'est de l'argent gaspillé, cette exposition. De A jusqu'à Z, ce ne sont que des mensonges. De toute façon, les chambres à gaz n'ont été construites qu'après 1945, pour expliquer comment les Juifs sont morts. J'ai été 6 ans dans la Wehrmacht et je n'en ai jamais vu. Tout ça, c'est politique. L'antisémitisme est bien là, en plein jour, dans les mots et les pensées des passants. Eh bien, Bernhardt fait la même chose dans sa pièce. Oui, il met en lumière, sur scène, à la vue de tous, un mal qui ronge le pays. Par les mots d'Alain et de Robert, par les acclamations de 1938, le dramaturge tente de briser l'ensablement des mémoires de son peuple, mais aussi l'apathie d'une majorité d'Autrichiens face aux catastrophes à venir. Les Autrichiens n'entendent plus rien, et ils ne lisent plus rien. C'est-à-dire qu'ils entendent quelque chose à propos de situations catastrophiques, mais ils ne font rien contre. Et ils lisent des choses à propos de situations catastrophiques, mais ne font rien contre. Les Autrichiens sont devenus un peuple d'une indifférence totale face à leur situation catastrophique. Voilà leur malheur. Voilà leur catastrophe. Après presque 3 heures, la pièce se conclut par les acclamations des 1938, celles qui hantent la mémoire de cette famille juive, comme celle de la ville. Cinquante ans après l'événement historique, le jour de la première, ce sont les applaudissements des spectateurs qui concluent la soirée. Après des semaines de tumultes, de polémiques et de tensions, tous les spectateurs ou presque se lèvent pour acclamer Thomas Bernhardt. On entend certes quelques cris de haine portés par de jeunes manifestants d'extrême droite, mais ils ne sont rien face à l'émotion qui traverse la salle. Ce soir-là, à la demande de Klaus Peymann, Thomas Bernhardt monte sur scène. Il salue, il sourit même. Peu de gens le savent, mais l'homme n'est pas en bonne santé. Malade des poumons, le dramaturge meurt quelques semaines plus tard, le 12 février 1989. Heldenplatz est donc son dernier succès, son dernier coup de poing contre son pays qu'il aimait tant haïr. Dans ses dernières volontés, il avait même émis le souhait que pendant les 50 années suivant sa mort, aucune de ses pièces ne soit jouée en Autriche et aucun texte ne soit publié. Par chance, cette dernière volonté inscrite dans son testament n'a jamais été respectée ni par Klaus Peymann, ni par son frère ayant droit des œuvres. Depuis la mort de Bernhardt, Heldenplatz a fait le tour du monde. En France, elle a donc pour titre « Place des héros ». Elle a été jouée à plusieurs reprises et même été intégrée au répertoire de la Comédie française. Comment expliquer ce succès ? Eh bien, il ne s'agit pas seulement d'une histoire autrichienne, il s'agit d'une histoire européenne. Heldenplatz est une critique acerbe d'un monde qui perd mémoire, d'un monde immobile face aux catastrophes qui pointent à l'horizon. Ce qui s'est passé au milieu du siècle dernier en Europe n'est pas d'un temps, n'est pas d'un peuple. Depuis la Shoah, il y a eu d'autres persécutions, d'autres génocides. Et en Autriche, eh bien l'extrême droite est toujours présente. Ironie de l'histoire, parmi les spectateurs de la première représentation d'Heldenplatz en 1988, celui que vous avez entendu crier tout à l'heure, oui, il y avait un jeune homme de 19 ans, Heinz Christian Strache. Sur les images de la télé, on le voit tout en haut des gradins, avec quelques amis, une banderole à la main. Il n'a pas connu l'Anschluss, il n'a rien vécu de la Seconde Guerre mondiale, mais il a hérité de ses haines passées. Le nom d'Heinz Christian Strache ne lui dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, depuis 2017, cet homme, président du parti d'extrême droite FPE, est vice-chancelier du gouvernement de Sébastien Kurz. Alors, qu'aurait pu écrire Bernhardt face à cette arrivée au pouvoir ? Eh bien, peut-être rien de plus que ce qu'il avait écrit en 1988. Je le sais, ça ne m'échappe pas que l'on détruit tout. Vous faites comme si je n'en savais rien. Je sais aussi qu'on abat la vieille école, mais je ne proteste plus. Vous êtes là pour ça, la génération suivante. Le monde n'est déjà plus en fait aujourd'hui qu'un monde détruit, en fin de compte, insupportablement laid. On peut aller où on veut, le monde aujourd'hui n'est plus que laid. Un monde de stupidité d'un bout à l'autre. Tout est à l'agonie, où qu'on regarde. Le mieux serait de ne plus se réveiller. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Heldenplatz de Thomas Bernhardt avec nos deux invités. Marcel Bozonnet, bonjour. Bonjour. Et puis Thierry Ancis, bonjour, si j'ose dire, ça ne se dit pas, mais bon, c'est vous qui avez offert aux auditeurs la lecture en direct de certains passages de la pièce de Bernhardt. Marcel Bozonnet, vous êtes comédien, metteur en scène et ancien directeur de la Comédie française. C'est sous votre direction que Place des Héros de Thomas Bernhardt intègre le répertoire de la Comédie française. Nous sommes en 2004. D'abord, qu'est-ce que ça signifie intégrer le répertoire de la Comédie française et qu'est-ce que cela représente pour la vie d'une pièce ? Alors c'est un rituel. Oh, quelle belle voix. Encore c'est bien. Un rituel républicain. La Comédie française fait entrer au répertoire régulièrement des pièces anciennes qu'on a oublié de jouer ou des pièces contemporaines qu'on n'a pas encore jouées. Donc par exemple, quand j'étais administrateur, Novarina est entrée au répertoire de la Comédie française, Marine Guy, Coltès, et puis Marguerite Duras. Et puis, on a le goût de faire entrer aussi de grands auteurs étrangers. Et le premier d'entre eux me semble être Thomas Bernhardt. Vous avez vu, évidemment, cette pièce, vous avez été impressionné, l'avez-vous été, et séduit aussi par tous les arguments qui ont été mis en avant dans ce récit. Est-ce que vous avez retrouvé ce qui vous a motivé? Ben d'abord, c'est une grande pièce. Il faut dire, il faut comprendre que c'est une grande pièce. C'est une pièce à 10 ou 11 personnages. C'est-à-dire, là, dans les extraits qu'on a entendus, on pense que c'est un discours, comme ça, un flux de paroles très intéressant, parce que c'est une pièce écrite de façon extrêmement contemporaine, avec des vers libres, des phrases courtes qui se succèdent sans ponctuation, c'est-à-dire vraiment, ce sont des petits scuds comme ça qui sont envoyés dans la tête du spectateur. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. Mais ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que, évidemment, c'est cet homme qui s'est jeté par la fenêtre, qui s'est suicidé, qui est un vieillard, qui est un vieil homme. Et Thomas Bernhardt, il écrivait pour ses acteurs, hein. Il écrivait pour le corps de ses acteurs, et notamment, il mettait beaucoup de vieux sur les théâtres, parce que les corps vieux, ce sont intéressants. La vieillesse, c'est un des thèmes centraux. Alors, on entend beaucoup, lui n'est pas là, il est mort, mais sa gouvernante et une sorte de petite bonne parlent de lui, le font vivre, et parle à sa place. C'est ce qu'on a entendu dans différents morceaux. Mmh. Mais il y a ensuite ensuite ses deux filles qui parlent encore de lui. Ensuite, il y a, après la cérémonie au cimetière, une sorte de grande tablée générale. Enfin, d'un point de vue de l'écriture dramatique, si vous voulez, c'est tout à fait, comment dire, moderne, novateur, extrêmement répétitif. Comme on dirait, il ressasse, enfin, avec une animosité, une haine. Mais la haine, ce qu'il y a de beau, c'est qu'il la tourne contre lui-même aussi, ce professeur. Il se déteste. On entend toute cette détestation, mais la détestation va largement au-delà. Et de temps en temps, dans la lecture, on est surpris. Parce qu'on se dit, il n'a pas pu aller plus loin. Eh ben si, il a encore trouvé une couche, une petite touche pour fracasser les Anglais, par exemple. Donc c'est tout ça qui est fort au théâtre. C'est comme vous le disiez, tout d'un coup, c'est devant vos yeux, c'est incarné par des acteurs qui sont traversés par ces émotions, qui sont traversés par ces pulsions. Et ça, si vous voulez, c'est rare au théâtre. Pourtant, c'est le but. Et pourtant, c'est le but. D'un point de vue de la scénographie, de la mise en scène, donc là, je parlais d'une certaine épure hein, pour celle de Vienne. Comment ça s'est passé en 2004? Quelle mise en scène? Alors, moi, je me suis adressé à un jeune metteur en scène. J'avais vu sa première mise en scène. Il s'appelle Arthur Nosiciel. Il avait monté le Malade Imaginaire. Et au milieu du Malade Imaginaire, il avait mis un texte d'un auteur italien sur la fille de Molière, qui s'appelait Esprit Madeleine. Mmh. Et j'ai trouvé que le surgissement d'Esprit Madeleine au milieu de cette pièce du Malade Imaginaire, comme il est question aussi de fantômes dans la place des héros, j'ai pensé que malgré sa jeunesse, il était peut-être l'homme de la situation. Et ça s'est révélé exact. Hein. Je parle sous le contrôle de Thierry Ancis, qui était dans la distribution. Il a rassemblé une distribution hors pair, dont on peut parler de Christine Fersen, qui était une immense actrice tragique, dramatique, de François Château, qui est rentré à la Comédie Française pour jouer aussi le rôle du frère. Enfin, c'était une grande aventure artistique. Et plus elle était artistique, ça veut dire mieux on entendait Bernhardt. Thierry Ancis, quel souvenir vous gardez de ce rôle dans cette pièce? Le rôle en soi était minime, c'est le rôle du fils du Benjamin qui arrive à la fin à la fin du spectacle, mais les répétitions ont été extrêmement intéressantes parce que justement on a abordé cette pièce et cette façon d'écrire. La façon d'écrire est très symptomatique de Bernhardt. Effectivement, c'est une pièce en vers libre, sans ponctuation, avec énormément de répétitions. C'est-à-dire, il y a une espèce de leitmotiv un petit peu hypnotique et cette espèce de leitmotiv hypnotique nous entraîne dans un processus d'interprétation qui est aussi un processus de prise de conscience, des mots qui sont dits, qui sont répétés, qui sont ressassés, et une espèce d'intégration réelle de ce sentiment de désabusement, de ce sentiment d'inaptitude à vivre que ressentent ces personnages. C'est une écriture qui est presque, vous parliez de Zweig tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a... Stefan Zweig, oui, on va en reparler. C'est une écriture qui se rapproche aussi beaucoup de Tchekhov, dans une espèce de simplicité, de radicalité du mot, dans une où les silences ont une importance, où les espaces ont une importance, et où, au même temps où le manque de silence et le manque d'espace créent aussi une espèce de confrontation avec le sentiment et avec le principe inconscient des mots qui se bouleverse. Voilà. Tout ça sous la direction artistique d'Arthur Nosiciel. Tiens, si on l'écoutait, Arthur Nosiciel, il s'est exprimé notamment en 2018 dans l'un des épisodes de la série web documentaire diffusée sur Arte, Les Grands Discours d'Aurélie Luneau et Jean Bulot. Donc on va écouter Klaus Peymann qui revenait sur cette pièce. Klaus Peymann, exactement. Merci. Où, dans le monde, une pièce de théâtre provoque-t-elle autant de remous? À Berlin, rien. À Paris, non. À Rome, à New York, en Angleterre, non. Mais en Autriche, oui. Pourquoi? Parce que les Autrichiens ont une nature théâtrale et qu'ils aiment les comédiens par-dessus tout. Parfois, l'art doit être dans l'exagération. On peut très bien affirmer que l'Autriche est un pays de nazis, tous des nazis, qui espèrent l'arrivée d'un nouvel Hitler. Quand on lit ça dans un journal, évidemment, on se dit « Qu'est-ce qu'il raconte, ce type? C'est faux !» Bien sûr que c'est faux, et Thomas Bernhardt le sait. Mais si les comédiens sont convaincants, alors ça produit un effet. Ça apporte un éclairage intéressant, et ça permet de réfléchir. C'est ça, le secret de l'art. Voilà, c'est donc Klaus Peymann, le metteur en scène de la pièce version 1988. Et je rappelle que Arthur Nozissiel, lui, a mis en scène la version au français en 2004. Voilà, dans des décors d'Éric Vignier, justement, qui était moins réaliste, je pense, que la version autrichienne. Bon, alors, Peymann est en première ligne durant ce qui a été une sorte de scandale. C'est une affaire très sensible en Autriche, on l'a dit. Il défend Bernhard Peymann et fait face au gouvernement. Est-ce que, plus qu'ailleurs, le théâtre est un espace de résistance en Autriche? Il le disait, Peymann, il y a un rapport des Autrichiens au théâtre qui, manifestement, est particulier. Je ne sais pas si vous avez des échos de cela, Marcel Bozonnet. Ils ont beaucoup d'auteurs, notamment Hanke ou Jelinek. Ce sont de grands auteurs contemporains autrichiens. Et là, à l'instant, je ne me souviens pas des autres, mais c'est vrai que le Burgtheater est un très grand théâtre européen. Et à Vienne, il n'est pas le seul théâtre. Dans cette pièce, justement, il dit qu'il n'est... Parce que cette famille juive a quitté en 38 Vienne, et il est allé, ce professeur, enseigner à Oxford et son frère à Cambridge. Il dit qu'il est revenu uniquement pour la musique. Et d'ailleurs, il est revenu pour la musique. Et puis, c'est ce que Thierry a lu tout à l'heure, il est revenu pour le théâtre. Je n'ai pas cessé de penser, moi, à Stefan Zweig, en me penchant sur le destin, la psychologie, les écrits de Thomas Bernhard. Après tout, Stefan Zweig est assis sur le rebord d'un monde qu'il ne reconnaît pas, qui pour lui est la fin d'une civilisation. Il se suicide, alors je sais que les raisons d'un suicide sont toujours intimes, mais c'est un homme qui est en plein désespoir face à ce monde qui tombe dans le gouffre, et j'ai l'impression que chez Bernhard, on a ce genre de résonance aussi. Ils sont autrichiens tous les deux. Ce sont les mêmes événements. Ce sont les mêmes événements. Ce ne sont pas des hommes de la même génération. Mais on comprend le suicide de Zweig. C'est vrai que à ce moment-là, Thomas Bernhard, il est petit. Il est souffrant. Il est dans un sanatorium nazi. Bien sûr, son enfance, elle se passe sous le nazisme, hein. Et il a ce désir aussi de devenir musicien. Il connaît l'ensemble du théâtre allemand, du théâtre russe, du théâtre grec. Il connaît parfaitement Shakespeare. Il a une dimension. Il est tout simplement génial par l'ensemble de ses connaissances. Et si on essaye de trouver dans le texte des bouts d'influence, on en trouve de Tchekhov, mais on en trouve aussi de Beckett. On entend pour les connaisseurs, c'est une. Et si on ne connaît pas, on l'entend aussi. C'est une merveille de construction et d'écriture. Thierry Ancis, on a, j'imagine, quand on est comédien, même quand on n'a pas un très gros rôle, comme vous le disiez, conscience de ce qu'on joue et de l'importance de ce qu'on joue, de l'enjeu d'une pièce. Comment vous le ressentiez, vous? C'est-à-dire, j'étais assez fasciné déjà par le texte, par ce que le texte véhiculait comme impression, des impressions terrifiantes quand même. même si ce n'est pas moi qui les proférais, j'étais tout ouïe devant les, devant les camarades qui étaient porteurs de cette parole. Et c'est vrai que même quand on a une parole contradictoire, parce que c'est vrai que le personnage que j'interprétais avait une parole contradictoire, la parole contradictoire en elle-même est aussi un apport, est aussi un témoignage et une façon de lutter contre l'horreur et contre la brutalité d'un monde qui ne se reconnaît plus, en fait. Et c'est vrai que, bah, comme toujours au théâtre, on est toujours en lutte contre quelque chose, on est toujours en guerre contre quelque chose, contre l'apathie, contre l'insensibilité, pour redonner de l'espoir, pour redonner de la vie là où il y a la mort, pour redonner de la sensibilité là où il n'y en a plus. Donc il y a toujours cette lutte-là. Et là, la lutte, en l'occurrence, c'était donner vie à des mots qui représentent la mort, en fait. Voilà. Marcel Bosonnet, quels avaient été les retours en 2004 de cette pièce dans la presse, la critique, les spectateurs? C'était quoi l'ambiance? Alors, je pense que l'ambiance, nous n'étions pas du tout dans la situation de Vienne. On était dans une situation où l'œuvre s'imposait, je dirais, imposait sa profondeur, sa force de provocation. Mais je me souviens d'un climat, je dirais, serein, où les interprètes communiquait, était en relation avec le public et on entendait ce texte qui nous forçait à penser. C'était sans polémique, mais peut-être l'ai-je oublié. En tout cas, on imagine ce que ressentirait ou ce que dirait ou penserait Thomas Bernhardt à la vue de l'actualité de son pays en décembre 2017, à la suite de la nomination comme vice-chancelier de Heinz Christian Strache, proche des néo-nazis dans sa jeunesse, et deux ministres d'extrême droite au poste régalien. Ça n'a pas suscité une grande indignation chez les Autrichiens d'aujourd'hui. Le journal Le Monde publie un éditorial intitulé « En Autriche », ce jour-là, l'extrême droite banalisée. Alors, avec un point d'interrogation, je vous propose d'en écouter un extrait. Où est passé Elfried Jelinek? Le silence de la prix Nobel de littérature autrichienne symbolise à lui seul les changements majeurs survenus en Europe en moins de deux décennies. En 2000, le pacte inédit dans l'Union européenne entre les conservateurs autrichiens et l'extrême droite avait suscité une vague d'indignation dont allait rester l'Égérie. L'Europe avait voté des sanctions. L'Autriche avait été boycottée. On parlait de cordon sanitaire. 17 ans plus tard, quel spectacle stupéfiant que de voir, samedi 16 décembre, le président autrichien, l'écologiste Alexander van der Bellen, entériner la nomination comme vice-chancelier de Heinz Christian Strache, proche des néo-nazis dans sa jeunesse. Tout aussi sidérante, l'annonce de la nomination de deux ministres d'extrême droite au poste régalien de l'Intérieur et de la Défense, alors que les conservateurs, arrivés largement en tête lors des élections législatives du 15 octobre, ne paraissaient pas contraints à de telles concessions. Les manifestations prévues lundi 18 décembre seront le baromètre de la banalisation de l'extrême droite. Pour rappel, 250 000 personnes défilaient il y a 17 ans dans les rues de Vienne contre le FPO. Marcel Bosonnet, quand on observe l'actualité, l'histoire, et notamment de l'Autriche, qui s'est doté d'un... Alors, je précise que le chancelier est un conservateur, mais pas d'extrême droite. En revanche, on l'a dit, les deux ministres régaliens le sont, donc ça donne une certaine couleur quand même à ce gouvernement. Alors, il y a les dénonciations, des dramaturges, et puis finalement, on en revient pas au même point quand même, soyons raisonnables, mais on en revient à un point en Autriche où on se dit que certaines de ces idées-là, ou voisines de ces idées-là, reprennent des couleurs. Bon. Et je me dis finalement, à quoi servent les dramaturges? Marcel Bosonnet, je sais que la question est pas très aimable, mais bon. Les dramaturges ne peuvent pas tout. Les dramaturges ne peuvent pas se... Le dramaturge, il est tout seul. Pour construire une révolte, pour construire le respect des droits, ce sont des assemblées de citoyens, ce sont des rassemblements de personnes. Le dramaturge, il est le poète, il reçoit des informations du monde, mais comment dire, il croit en ce monde d'une certaine façon. Mais ce sont les citoyens, ce sont les femmes, ce sont les hommes qui font les changements de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry? Moi, je pense déjà qu'il n'y a pas de dramaturge digne de ce nom dans un pays qui n'a pas de problème. Donc, qui dit un pays avec des dramaturges, je dis un pays qui a des choses à comprendre de lui-même. Et le dramaturge étant en général un passeur ou un miroir, c'est un témoin. Mais quand on parle de l'Autriche, j'ai l'impression que l'Autriche, le problème autrichien, date de 1800, enfin d'avant le XXe siècle. Enfin, on parle de la joyeuse apocalypse où les gens n'avaient pas conscience de la réalité des guerres. La valse est inventée. Enfin, on se souvient dans les grands palais à coups de valse, de champagne. Enfin, il y a une espèce de d'immaturité presque d'une conscience réelle d'une ouverture à l'Europe, au nouveau monde, d'une ouverture politique. On reste sur des schémas qui sont extrêmement ancestraux et extrêmement tournés sur eux-mêmes depuis toujours, enfin depuis très longtemps. Et tous les essais d'ouverture ont été très brefs finalement dans l'histoire autrichienne, qui est avec un peuple extrêmement sensible, avec des musiciens, des poètes, des auteurs hallucinants, d'une sensibilité extrême, d'une intelligence, d'une vision du monde extrême, comme si il fallait par ces âmes-là sauver tout un peuple. Enfin, il y a quelque chose de très bouleversant dans cette approche-là. Marcel Beaudonné, le théâtre qui puise son inspiration dans le réel, ben ça c'est une vraie force. Tout au long de votre carrière, vous avez été, est-ce que vous avez été plus dans ce genre, dans ce théâtre-là qui puise dans le réel, ou dans un théâtre qui puise dans la fiction, ou vous aimiez les deux? Moi j'ai aimé les deux. Ouais. J'ai aimé être un interprète du théâtre classique, du théâtre antique, du théâtre contemporain, mais j'ai aimé aussi aller vers travailler avec des anthropologues, des historiens. J'ai aimé construire des spectacles qui rendent compte, qui tente de rendre compte du réel. J'ai aimé les deux et c'est encore le cas aujourd'hui. Thierry Ancis, c'est peut-être pas la première fois, j'imagine que non d'ailleurs, mais le théâtre à la radio, ce que vous venez de faire, quel plaisir vous prenez à ça? C'est pas les ingrédients du plaisir du théâtre à la radio. C'est un plaisir de proximité, dirons-nous, plutôt qu'un plaisir d'espace. Voilà. Exactement. Bien, ce sera le dernier mot. Merci infiniment, messieurs, Marcel Beaudonné et Thierry Ancis, pour votre participation active à cette émission. Vous, en tant qu'invité de monsieur Beaudonné, et vous, en tant que comédien, qui m'a fait, j'en suis sûr, un peu d'ombre. Et c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Heldenplatz, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission. Livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.